Ouais, c'est la 2 là. Ouais, c'est la 2 là. Je crois qu'on délire. Je m'arrive pour garder l'ivresse. De quand ton star en dérivé. Et qui prêche, je retrouve qu'à délivrance. C'est trop chaud, tu l'as senti, mec. À 15 ans, sur le terrain, j'ai encore mes sentiments. Toujours le dos, le vieux, bouge moins d'un centimètre. Pas de chance, à 16 ans, j'ai plus la santé, moi. Je les prends pas à 10, j'armais les yeux, c'est une part douce. Pas prêt de partir, je demande pardon, faut pas dire c'est par dose. Tu sais que j'ai carburé, je reprends le chemin de la maison quand il se met carburé. Trop victime au-dessus du tabouré, je suis en face, chef de part, je finis sous terre bourré. Et c'est hallucinant toute la haine qui génère. Rafale de Yankee à leur caisse qui gêne. En souffrant les rétros, les haines qui génèrent. Et c'est hallucinant toute la haine qui génère. Rafale de Yankee à leur caisse qui gêne. En souffrant les rétros, les haines qui génèrent. Je regarde pour toi, j'ai fait le con, j'ai fait le son. Des fois je m'en défonçais le son, je faisais le tout. Je regarde pour toi, j'ai fait le con, j'ai fait le son. J'ai pas ton temps, je me dis j'ai trop zoné. C'est qu'il est chelou, si pour moi il est pas content. Samedi Timal il est chaud, putain il est pas coté. Sur un scooter bourré tu vas refaire du bac à terre.